s'élève, les lueurs ploient, le sable soulève. Ton nom serpent dans l'air brûlant. Chaque phrase m'attache, chaque souffle apaise. Ton souffle pèse comme soleil de plomb. Chaque mot tranche, chaque souffle répond. Rider skill, charme, ses murmures liés. La lueur tremble, la paix figée. Ton nom s'écrit sur ma peau sèche. Chaque syllabe brûle, chaque mot souffle m'empêche. J'aurais le skill ring, sa voix m'obsède. Les viewers s'écroulent, happés, possédés. Ton nom résonne dans les failles. Chaque mot me lie, chaque souffle entaille. Les vieux.